CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir Marc. Bonsoir Michel et bonsoir chers auditrices et auditeurs. Eh bien Marc, ce soir on commence avec deux extraits d'un album qui est paru cet été. C'est un groupe allemand qui a pour nom The Ancestry Program. C'est leur troisième album et il s'intitule Of Silent Mammalia Part 2. Donc, vous devinez qu'il y avait une première partie qui a été publiée pas si longtemps. C'est en 2021, Misty City Ambassadors Part 1. Et le groupe a signé un premier album en 2020 qui a pour titre Tomorrow. C'est un groupe de Munich et, ma foi, c'est un groupe à découvrir. Ce soir, on aura les pièces Path of Inspiration et War is Over. Et pour prendre le relais, Marc, on aura un nouvel extrait d'un album d'un groupe italien. Oui, en effet. Et c'est un groupe italien qui a pour nom La Bocca della Verità. Et c'est un extrait de leur second album, Unconnected. Et contrairement au premier album, celui-ci est chanté entièrement en anglais. Alors, pour vous ce soir, on aura la pièce titre de ce nouveau disque. Et ce sera suivi d'un nouvel extrait de l'album à paraître de la formation norvégienne Chorcho, ou Chorcha. Et le titre de l'album, c'est Saliguette. Et pour vous, ce soir, on aura la pièce. Je me risquerai pas, en fait, de vous prononcer le nom de cette pièce. Je vais plutôt vous inviter à aller faire un tour sur notre page web www.terraincognita.québec dans la section radio, où vous pouvez consulter tous les contenus des émissions et également accéder à tous les podcasts. Alors, mais tout d'abord, pour revenir à notre programme de ce soir, on débute avec la formation The Ancestry Program. Thank you. too much confrontation in my bursting head. I just need a warning, little relief. Yeah. The struggle in my head is hard. I close my door to change bounds of my soul. Enjoy the silence here. I try to hide. I go inside myself until I'm fine. What I've seen, yeah, a photograph.

beautiful minds. Don't you understand, my son, the power at your fingertips? Social is the way we exist. It can set us free from the powers that be. I can't understand. Tell me what you need. We can go through connected as we are. You're frightened to grow, dressed like a child. Your fear of missing out takes you away from me. Thank you. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Ça, c'est l'indicatif de La Croche-Oreille, l'aventure sonore diffusée chaque dimanche à 21h sur les ondes de CKRL, la radio qui aime le son. Au microphone, c'est Gate qui vous y invite. Tristan Gay présente son premier album, Dans une autre vie. Découvrez cet auteur-compositeur-interprète électrisant qui saura vous charmer par sa plume aiguisée sur des sonorités pop-rock actuelles. Dans une autre vie, t'es Tristan Gay. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Pour des randonnées agréables en nature, le magnifique parc linéaire de la rivière Saint-Charles est un endroit tout indiqué. Le samedi 30 septembre prochain, c'est la randonnée aux mille couleurs organisée par la Société de la rivière Saint-Charles. 5, 11, 15 km ou encore la traversée complète du parc de 32 km. Plusieurs trajets sont proposés. De plus, profitez d'une ambiance tout en musique au parc Chauveau. La randonnée aux mille couleurs, c'est le samedi 30 septembre. Inscrivez-vous en ligne. Un événement organisé par la Société de la rivière Saint-Charles, ma source de découverte. Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à la Korrigan, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mercredi de 18h à 20h, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et prestations au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez repartir avec de beaux prix de présence. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. CKRL 89.1, 50 ans de radio. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. On a une nouveauté allemande. Pour donner le coup d'envoi de ce nouveau bloc musical, il s'agit de Sub Signal, un groupe qui est actif depuis 2008. En fait, c'est un projet né de la collaboration entre deux des membres d'un groupe, un autre groupe allemand qui est pour nom Sages Even. Après avoir composé une pièce pour l'album Eyes Wide Open, finalement, les deux musiciens, Arnaud Menzies et Marcus Steffen, ont décidé de mettre sur pied Sub Signal. Et on aura un extrait du tout nouveau et sixième album du groupe qui a pour titre A Poetry of Rain. Et Marc, par la suite, ça va être autour de l'Italie avec une nouveauté. En effet, et vous savez qu'on aime beaucoup les groupes italiens, alors ce sera ici un extrait du nouvel album de la formation Sphératons. Ce sont des musiciens qui jouaient ensemble dans les années 70 et qui n'ont jamais endisqué à ce moment-là. Leur premier album est paru en 2016, leur second en 2019, et ce nouvel album, donc leur troisième, qui a pour titre « Odi et Amo », est paru au mois de juillet. Et on aura pour vous ce soir la pièce « La Donna Amata ». Et ce sera suivi d'une formation américaine qui a pour nom Blackwater Flood. Ils ont fait paraître un premier EP en 2019 et un CD en 2020. Donc, ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est l'extrait de la pièce Eternal Flight. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute avec la nouveauté de la formation Subsignal. We'll be right back. are in the blaze of spears. A king has given up his crown of ivory. We are bound to wander, ashes of our dreams. We are doomed to watch the trails of falling stars. It's nota è come il temporale che si aspetta nella calura estiva. Scuote e ristora come il vento che sferza le cime più frondose, come la pioggia che guarisce i lecchini. Somewhere far Fly. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL 89.1, 50 ans de culture. Ça, c'est l'indicatif de l'accroche-oreille, l'aventure sonore diffusée chaque dimanche à 21h sur les ondes de CKRL, la radio qui aime le son. Au microphone, c'est Gate qui vous y invite. Tristan Gay présente son premier album, Dans une autre vie. Découvrez cet auteur-compositeur-interprète électrisant qui saura vous charmer par sa plume aiguisée sur des sonorités pop-rock actuelles. Dans une autre vie de Tristan Gay. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. À Télé-Québec, vivez un automne. Attache ta tuque avec la broche, parce que ça va brasser tout à l'heure. Hors de l'ordinaire. Oh! Audacieux. Oh mon Dieu, x4. Déconcertant. Mais voyons! Ouvre les yeux, prends des grandes respirations. À Télé-Québec, vivez un automne pleinement assumé. Je suis complètement déstabilisé. Faut que je me calme. Un automne wow. Que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Je trouve ça fou raide. Vivez l'expérience. À longueur de semaine. À Télé-Québec. Sortie culturelle. Souffrez-vous de carences culturelles? CKRL vous propose un remède. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, soyez au rendez-vous de 16h à 17h30 pour recevoir mes prescriptions culturelles. Je vous servirai des plateaux d'invités et de chroniqueurs délurés. Je m'appelle Pamela Bisson, j'anime Sortie culturelle et on se retrouve en semaine autour de ce grand festin. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyne Audio, Focal, Grado, Audiolite. Toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura la formation québécoise Néodyme. C'est une formation qui présente un rock progressif instrumental. On aura ici un extrait de leur plus récent album, La Signature du Temps, qui est paru en 2015. C'était leur quatrième album en carrière. Et on aura la pièce Effet Domino. On aura également une formation des États-Unis, Eden Song, tirée de leur plus récent album Years in the Garden of Years, paru en 2016, et la pièce Cold City. On aura également Lars Fredrik Freusle, mieux connu comme claviériste de la formation Wobbler, et on aura une pièce de son album Fir Forteliger, qui signifie quatre contes. Alors, on aura la deuxième pièce et je me risquerai pas de vous la prononcer. Je vous invite encore une fois à aller faire un tour sur notre site web pour avoir les détails des contenus musicaux de toutes les émissions. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, on y va du côté de la Finlande avec une des meilleures nouveautés de cette année. Oui, tu parles de Overhead qui est arrivé cette année avec un nouvel album, Telepathic Minds, un double de surcroît. Et ça faisait 5 ans que le groupe n'avait rien présenté de nouveau, c'est-à-dire depuis Eden Spark. Et je pense que tout le monde va tomber d'accord pour dire que c'est une des bonnes productions de 2023. Et on écoute la pièce Sheep Stay Silent. I am not a robot. And this is not a simulation. I am Alex from Overhead. You are listening to Terra Incognita, direct from Quebec City. Hey.

Archisten kjenner jeg duften av saltvann, solen varmer, og så godt her under himmel. Vel, vel. Stater fra den gangen verden var frodig, dens ekko gir ennå mening og sparker av til fremse. We'll be right back. Listen. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Le samedi soir à Télé-Québec est une expérience hallucinante. Je sais pas du tout de quoi on va me parler. À 20h, vivez le talk show réinventé avec Pour une fois. J'ai plein de questions à poser. À 21h, faites du bruit sur une scène endiablée avec Belle et Bomme. On a une belle soirée devant nous. Et à 22h, plongez tête première dans des histoires improbables avec notre programmation cinéma. Si on faisait un jeu... Les samedis soirs... Je tripe. Vivez l'expérience à Télé-Québec. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation des Pays-Bas, Sky Architect, et ce sera tiré de leur second album qui a pour titre A Dying Man's Hymn. On sait que la formation a 4 albums à son actif, un premier paru en 2010, un second en 2011, un troisième en 2013 et leur plus récent qui a pour titre Nomade qui est paru en 2017. Alors tiré de leur second album, on aura la pièce Woodcutter's Vial. Et Michel, pour débuter le bloc musical, on reste aux Pays-Bas avec un des membres de Sky Architect et un extrait d'un album en carrière solo. Oui, il s'agit du batteur Christian Brunn, qui en fait est non seulement batteur, mais c'est un multi-instrumentiste et il mène une carrière sous le nom de Chris, et avec une douzaine d'albums sous le bras, rien ni plus ni moins. Et il fait aussi partie du groupe Mera Orchestra. On va écouter un extrait de son 5e album solo qui a pour titre Days of Summer Gone, et c'est la pièce titre. Thank you.

fast. The smell of wood burns within as the axe cleaves through her skin. I get shivers from these thoughts, experience is overwhelming. Stop and let me hold her. I want to taste this wood, I want to taste her. Traces of what once was kept me back on the ground, blood spilled on the axe. Remember me, so pretty, full of happiness. You showed a light at night, and I spilled blood, played a part, I said goodbye. On a choisi ce soir, en guise de conclusion, un extrait du premier album de la formation torontoise Drock Farben. Et je serais tenté d'ajouter de la talentueuse formation Drock Farben, qui malheureusement est dissoute depuis plusieurs années. Et l'album est paru en 2011, un album éponyme, et en 2014, le second disque est paru sous le titre de Second Sound. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL 89.1, 50 ans de radio communautaire. Ça, c'est l'indicatif de l'accroche-oreille, l'aventure sonore diffusée chaque dimanche à 21h sur les ondes de CKRL, la radio qui aime le son. Au microphone, c'est Gate qui vous y invite. Ah, l'automne, c'est si beau et un endroit parfait pour en profiter est le Domaine Mézeray. Le Centre de valorisation du patrimoine vivant vous y convie pour la 32e édition de son festival Les Rendez-vous Estrades. Du 6 au 9 octobre, ce sera le meilleur moment de l'année à Québec pour entendre de la musique traditionnelle, chanter et danser. Procurez-vous dès maintenant votre passeport en pré-vente et découvrez notre programmation complète au cvpv.net. À l'Action de grâce au Domaine Mézeray, on fête nos traditions. Docteur Jean Drouin, Caroline Simard, Francine Chatigny, Raymond Poirier, Raymond Côté, Bernard Saint-Onge, Jaime Silès, Georges Goma, Valérie Levé, Benoît Béchard, Pierre Blais. Ici Caroline Stephenson. Avec toute l'équipe des Matins éphémères, on vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 7h à 9h pour bien débuter la journée sur les ondes de CKRL 89.1. You know what I mean? Julie Vignola, Luc Ferland, Jean-François Artaud, Michel Marcoux, Nicolas Médieu, Gilles Chaumel, Robert Boisclair, Christian Carles, Christian Gérard, Caroline Ménard et Barbel Ring. Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate, là. Je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes, que t'es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident. La route a besoin que vous soyez concentré. Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com.